Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Lisa. Elle nous apporte son témoignage de l'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont elle a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française en forme grave. Le nombre d'arrêts maladie explose chez les moins de 30 ans et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé ces rencontres. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Lisa, nous avons le plaisir de t'accueillir en woofing ici à l'association Ralentir pour vivre. Et dans nos discussions, nous avons découvert que tu as été victime d'un burn-out. Donc on te laisse déjà te présenter. Je m'appelle Calicchio Lisa, j'ai 25 ans. 25 ans, et puis ça t'est arrivé à peu près à quel âge? Je crois que j'avais 20 ans, 21 ans, c'était en 2018. D'accord. Début 2018, ça a duré environ un an, d'accord, je dirais. D'accord. Donc, pour suivre les interviews comme on les fait toujours d'ordinaire, quoique là, c'est une interview particulière, c'est la première fois que nous interviewons une personne jeune, très jeune. On va te poser la première question, ça va être comment est-ce que c'était le premier jour quand tu t'en es, enfin, quand tu as réalisé que tu étais dans l'épuisement? En fait, c'est pas moi qui ai réalisé la première, c'était mon entourage qui me disait. Lisa, freine, calme-toi, tu fais trop de choses. Donc moi, j'avais pas réalisé ça par moi-même. Mais quand je m'en suis vraiment rendu compte, c'était des moments de crise de panique, où il y avait un peu un trop-plein. Dès que j'avais trop de choses à faire, ça partait vraiment en crise de panique assez violente. Là, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. D'accord. Donc, tu t'es rendu compte que quelque chose clochait, puis il y a eu un moment X où c'était factuel. Et c'était comment ce moment X là, ce moment précis? C'est une période assez sombre où j'ai peu de souvenirs. Je ne me souviens pas d'un moment clé, mais je me rappelle plus d'une période où il y avait plusieurs choses dedans. Alors, on va te laisser parler de cette période, voilà. Il y avait un mélange de manque de reconnaissance aussi dans mon travail, où vraiment... On travaillait, alors j'étais en fac de cinéma à l'époque. Oui. Et on bossait comme des malades pour avoir des notes vraiment médiocres. Donc ça a joué aussi beaucoup dans le manque de reconnaissance, de s'identifier à ces notes, de se dire mais attends, tout ce travail pour avoir cette note-là, est-ce que c'est tout ce que je peux donner? Est-ce que je suis vraiment nul à ce point-là? Donc y a eu tout ce moment-là. Ouais. Compliqué. Et quand tu dis nous, tu n'étais pas la seule. Non, on était plusieurs dans ma fac à avoir ce sentiment-là. Après, je faisais beaucoup trop de choses à l'époque. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes étaient aussi en burn-out dans la même situation. Mais moi, je faisais vraiment beaucoup trop de choses. Donc, il y a eu une accumulation qui ont fait que... Quand tu dis beaucoup trop de choses, d'autres activités en dehors de l'université? Alors moi, j'étais au conservatoire de théâtre à Strasbourg. En même temps, je faisais deux allers-retours par semaine à Mulhouse pour aller au conservatoire où je devais aussi passer des examens en solfège et j'avais la fac. D'accord. Donc beaucoup trop de choses à faire, l'impression de ne pas réussir à maîtriser tout ça. Et t'étais dans quel style d'environnement encore, tu logeais encore chez tes parents? Non, j'étais toute seule. Donc je pense qu'il y avait aussi ce mélange d'être livrée à soi-même parce que c'était ma deuxième année de fac. Mmh. Donc ce mélange de devoir tout gérer en même temps des activités. Parce que quand t'es jeune, t'as plein d'activités, mais il y a les parents qui gèrent derrière la nourriture, le ménage, plein de choses. Et là, il faut tout gérer tout seul. Donc il y avait aussi ce stress-là. Une pression ouais, importante entre l'environnement, les activités qui t'étaient réclamées, et en même temps, cette impression de devoir faire beaucoup. Comment a réagi, parce que alors... Quand tu t'es aperçu de ça, est-ce que tu as été directement consulté un médecin? Oui, ouais. J'ai rapidement pris les choses en main, si je me souviens bien. Je voyais deux psychologues, j'avais fait de l'acupuncture aussi, j'avais essayé l'hypnose. Donc j'avais, quand je m'en suis rendu compte, hein, parce que ça a mis du temps que vraiment je prenne conscience de tout ça, mais j'ai essayé de vite prendre les choses en main, ouais. Et donc, y a un médecin à un moment donné qui t'a diagnostiqué. Oui. C'était un généraliste, un psychiatre, un psychologue. C'était une psychothérapeute. Psychothérapeute, ouais. Voilà. Elle te l'a dit en quels termes, en gros? Elle m'a dit burn-out. Carrément. Ah, ouais, ouais. Il n'y avait pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Non. Non. Et comment tu as reçu cette nouvelle? Bah, peut-être que ça m'a rassurée de mettre un mot dessus, parce que je pouvais mieux savoir comment gérer, parce qu'ensuite elle m'a donné plein de clés. Mmh. Donc c'était rassurant de savoir, ok, enfin ce que j'ai, c'est ça quoi. Mmh. Parce qu'avant il y avait ce truc de je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas mes sentiments, est-ce que. Ouais, je deviens folle ou je sais pas. Mmh, mmh. Et donc là, mettre un mot dessus, tu te dis, ah bon, t'es pas toute seule dans ce cas-là. Mmh. Ouais. Et comment a réagi l'entourage personnel déjà autour de toi, les gens autour de toi, quand tu as vraiment acté ce fait? Bonne question. C'était une période aussi compliquée avec mes parents, je pense que ça a joué dans le burn-out. Donc après, du moment où ils ont su que c'était vraiment ça, je pense qu'au début, ils étaient vraiment dans le... aussi par peur, dans le déni. Un petit peu, mais non, toi t'as toujours été un peu stressée, ou c'est normal. Et puis quand ils se sont rendus compte que vraiment je faisais des crises de panique même à la maison, ils ont été assez inquiets. Et heureusement, ils ont fait plein de choses aussi pour moi après, donc ils m'ont pas mal aidée. À quel niveau? Et quand l'été est arrivé, ils ont dit, bah, tu restes à la maison, tu restes avec nous, quoi, on va s'occuper de toi. Donc on est parti en vacances. Après, j'ai pas de souvenir de ces vacances, parce que c'était encore une période un peu sombre. Mais on est parti en vacances, et puis je suis restée à la maison avec eux. Ils faisaient un peu tout pour moi, donc je pense que ça a permis de poser le truc. C'est intéressant dans ton témoignage, parce qu'effectivement, le soutien de l'entourage est extrêmement intéressant. Ouais. Si je n'avais pas eu ça, je pense que ça aurait duré plus longtemps. Ouais. C'est pour ça que ma question n'est pas anodine quand je dis comment a réagi l'entourage. Ouais. Parce que ça a un impact sur la résilience, quand même, indirectement. Ouais. Et comment a réagi l'entourage universitaire? Ah ouais, ça c'était plus compliqué. Après, on avait de la chance d'avoir un service qui s'appelle Mission Handicap à Strasbourg. On m'a redirigée là-bas et j'ai pu avoir quelques aides, mais c'était minime. J'avais ces aides-là qui me rassuraient personnellement. J'avais un tiers-temps quand on faisait les examens. Mais les profs n'étaient pas forcément trop au courant de ça, donc je les prévenais avant l'examen. Mais il m'arrivait une fois où, en fait, j'avais un tiers-temps parce que des fois j'avais des crises de panique et d'angoisse et je sortais de la salle pendant l'examen, je me calmais, je revenais. Et à un moment donné, donc c'est la fin de l'examen, tout le monde sort, moi je me dis, bah, j'ai le temps, je peux continuer. Et en fait, le prof, alors que je l'avais prévenu au début, me dit, bah, non, mais moi j'ai mon train, il faut que je parte. Je dis, mais moi j'ai pas fini, monsieur, je vous avais prévenu. Et donc, il était complètement, enfin, je sais pas, désemparé, il comprenait pas. Et donc, j'ai pas pu finir mon examen. C'est incroyable, il était au courant et il n'a pas cap. Il était peut-être lui-même dans une situation difficile. Bah peut-être, mais je lui ai expliqué avant l'examen, je lui ai dit, et ok. Mais peut-être qu'ils sont pas assez informés aussi les profs par rapport à ça, parce que c'est un service qui est à part de la fac, mais ouais, il avait pas l'air trop au courant. Intéressant de savoir ce service à la fac. Est-ce que tu as croisé d'autres personnes qui étaient en burn-out à ce niveau-là, ou est-ce que tu en as entendu parler d'autres, de ce fait que, voilà. Oui, alors burn-out précisément, je sais pas, mais j'avais une copine qui était aussi en dépression qui avait fait appel à ce service-là. Il y en avait une autre qui était TDAH qui avait aussi de l'aide de mission handicap. Mais après, c'était d'autres aides, c'était pas Oui. exactement les mêmes que moi, mais Oui, parce que le burn-out n'est pas une dépression. Quand bien même il y a un état dépressif, ben oui, quand on soit dans le trou, c'est clair qu'on n'est pas en pleine forme. Mais ce n'est pas une dépression, effectivement. Mais bon, c'est quand même un service qui, on va dire, d'après ce que tu me racontes, ne fonctionne pas de manière vraiment top, mais qui débute quelque part. Ouais, peut-être, peut-être. Je sais pas, moi je l'ai connu à cette période-là, mais je. Donc voilà, l'entourage professionnel, l'entourage personnel. Et puis, ben, si j'ai bien compris, c'était juillet, août, et après, à la rentrée, ça s'est passé comment? Parce que tu étais quand même toujours dans l'épuisement. Ouais. Mais ça avait déjà débuté, je pense, janvier-février. Hein. Donc après l'été m'a fait beaucoup de bien. Parce que si je me souviens bien, j'avais travaillé en centre de loisirs pendant 3 semaines avec les enfants. Et le fait de m'occuper d'autres personnes et plus de moi, je m'effaçais un petit peu. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre soin des autres. Et ensuite, à la rentrée, j'ai recommencé petit à petit à sortir. Je pense que la pause de l'été m'avait fait beaucoup de bien. Donc j'avais changé de petits copains, donc il y avait plein de changements comme ça dans ma vie et je recommençais petit à petit à sortir et l'année 2019 a été géniale après. D'accord. T'as refait une année de fac avec l'aide de Mission Handicap. Tu avais droit à des tiers-temps aussi et d'autres choses. J'avais un tiers-temps et puis. Je sais plus autre chose, mais je me souviens plus que c'était. Mais petit à petit, je l'ai laissé tomber parce que j'en avais plus besoin. Donc j'ai pu finir ma 3e année tranquillement, sans aide. Il y a eu quand même de l'aide de part et d'autre. Ça, c'est très important. Ouais. Oui, c'est très important. Alors maintenant, on va te poser des questions. Je dirais, vu ton jeune âge, les symptômes qu'on a décrits avec le docteur Coiffi ne sont pas exhaustifs, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a touché. Donc, dans les troubles psychiques, il y a de l'anxiété intense, de l'agitation anxieuse, des bits de parole submergents. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, tout à fait. Les crises d'angoisse et les crises de panique et les pensées trop envahissantes, ouais, c'était très dur. Et un débit de parole submergent, on appelle ça les logorrhées. Ça pouvait être incohérent, mais ça c'était dans les moments de panique où il y a un peu tout qui submergeait, tout qui arrivait un peu en même temps, trop d'idées, trop de pensées qui arrivaient en même temps et pas réussir à mettre de l'ordre dans les idées. Donc ouais, ça pouvait arriver. Je sais pas si c'est ça. Oui, enfin, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais en tous les cas, quelque part, ça ressemblait à un tsunami, ton esprit. C'est Oui, ça. oui. Ouais. Voilà. Et de temps en temps, tu débordais sur les autres, en gros. Oui. Voilà, oui. Irritabilité. Oui. 100%. D'accord. Ça se traduisait comment ? Que je pouvais prendre très mal des choses qui n'avaient pas d'importance. Enfin, maintenant, je sais qu'elles n'ont pas d'importance. Mais à l'époque, elles en avaient énormément pour moi. Donc, on pouvait me dire un truc. Et puis, tout de suite, je pouvais partir dans des crises de colère. Et, surtout avec la famille. Voilà. La chute de l'estime de soi. Oui. Ben ça revient à ce que je disais pour la fac aussi. Tu te dis, mais c'est tout ce que je suis capable, je me donne à fond, et en fait, je vaux que ça. Ouais. C'est des... voilà. Bon, réaction dépressive, c'est réaction dépressive. C'est pas une dépression, c'est un état de tristesse. Pas franchement un état dépressif, mais une tristesse, on va dire. Oui. Oui, ouais, ouais. Je sais pas quoi dire de plus, mais... Non, mais j'entends, dans l'ensemble, si on traduit ça autrement, on peut pas dire que t'étais souriante et joyeuse. Peut-être d'apparence, si, mais pas intérieurement. Ah, d'accord. Oui, parce que j'avais quand même des moments où j'étais avec des amis et je pouvais rigoler. Mais intérieurement, ouais. Une grande tristesse. Ouais. Le désespoir, est-ce que tu as été jusque-là ? Désespoir, c'est vraiment les gens qui imaginent des solutions dramatiques. Oui. J'avais eu des pensées un peu sombres, mais je suis jamais allée à... Désespoir, c'était plus que je pensais que plus jamais je reviendrais comme avant, plus jamais je sortirais. J'avais l'impression que ma jeunesse était terminée, quoi. Ouais. Ouais. C'est très touchant ce que tu viens de dire, parce que... C'est quand même... le burn-out étant un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes, c'est difficile d'entendre ça parce que... Enfin, vu mon âge, 65 ans, quand j'entends quelqu'un de 25 ans qui dit à 20 ans, j'ai cru que ma vie était terminée, en fait. Ma jeunesse était terminée. C'est triste, quoi. Ouais. Maintenant, si on prend les changements dans la motivation, est-ce qu'il y a eu un changement, une baisse de motivation professionnelle ? Oui, parce que moi, j'ai toujours été super passionnée, j'ai toujours aimé plein de choses, aimé faire plein de choses. Et je pense que là, il y a eu un tellement trop-plein qu'à un moment donné, même les choses que d'ordinaire j'aimais, je les aimais plus, je voulais plus. Parce que dans tes études, tu étais passionnée, mais est-ce que voilà, cette fin d'année 2018, en gros, était pénible ? Bah, y a eu presque un dégoût de ce que je faisais, par un moment. Donc il n'y avait même plus de plaisir, le stress prenait le pas sur le plaisir, en fait. Des doutes sur ses propres compétences, ça revient à l'estime de soi, oui. Donc ça, voilà. Maintenant, dans les changements de comportement, nous, on parle de repli sur soi. Est-ce que tu as vécu ça ? Non, pas trop. Parce que j'ai toujours communiqué beaucoup. Donc, même avec mes amis, je communiquais à fond. Tout ce qui m'arrivait, je le disais. Et des attitudes impersonnelles, détachées, négatives, voire cyniques ? Le style plus rien qui te touche ? Non. Pas. T'as pas été jusque-là. Non. Voilà, oui. Des comportements agressifs, irritables, mais est-ce que tu avais des comportements agressifs suivant quoi ? Envers moi-même, oui, mais pas envers les autres. Ah, intéressant ça, oui, parce que justement, on en parle beaucoup du comportement agressif envers soi-même, quoi. Ouais. Tu pourrais donner un exemple de ce qui te fait penser, ce qui te fait dire ça maintenant ? Dans les moments de panique ou quand quelque chose me touchait trop fort, c'était de l'agressivité envers moi-même, ça pouvait aller jusqu'à, je sais pas, me cogner la tête contre les murs, ou des choses comme ça. Oui, c'est bien de préciser, parce que, voilà, c'était très agressif, mais quelques personnes, quand ils sont vraiment trop épuisés, ils mettent fin à leur jour, ils vont plus loin. Oui. Donc voilà, c'était... Et des comportements addictifs, alors ça peut être des médicaments ou autre alcool, ou je sais pas... avoir besoin d'un remonte moral. Souvent, dans ces périodes d'épuisement, on a besoin d'un booster. Non. Est-ce que tu as eu des traitements médicaux particuliers ? J'ai toujours voulu éviter, donc j'ai jamais pris d'antidépresseur, je voulais faire les choses par moi-même, donc j'ai jamais accepté de prendre des médicaments, des choses comme ça. Ouais, j'étais plus fonceuse, quoi. Donc je voulais pas. C'est une bonne chose, bravo. Parce que si jeune, après on rentre dans une addiction, dans les anxiolytiques. Je voulais pas, même j'entendais ceux qui prenaient de l'alcool pour s'endormir ou des choses comme ça, j'ai toujours voulu éviter, je voulais pas tomber là-dedans. Oui, donc c'est effectivement, et quand on sait que ça touche les jeunes, c'est triste parce que après, en vieillissant, ça s'arrange pas. Ouais. Dans ce qu'on appelle les troubles cognitifs, il y a les troubles de la mémoire. As-tu pendant ces moments-là des troubles de la mémoire et par la suite également ou pas ? Je me souviens pas. Après, je sais qu'encore aujourd'hui, si je suis stressée. Je peux oublier des choses, ouais. Oui, t'as ton petit crayon et ton petit papier. Voilà. Oui. Trouble de l'attention, c'est-à-dire on fait quelque chose 30 secondes, on repasse à quelque chose 30 secondes et on repasse à quelque chose 30 secondes. Sûrement, mais je me souviens pas. D'accord. Ouais. Des troubles des fonctions exécutives, ça veut dire on veut faire quelque chose mais on n'arrive pas au bout, quoi. Non plus. Je sais pas. Peut-être, mais... Ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, tu ne te souviens pas, parce qu'effectivement, tu étais en état de choc, en état de traumatisme. Maintenant, est-ce que par la suite, tu as eu des troubles de mémoire, de l'attention ou de la concentration ? Oui, un petit peu encore maintenant, ça m'arrive. Ouais. Oui. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que... effectivement, quand on est jeune, on est peut-être moins touché par des troubles violents que si ça arrive sur un organisme plus âgé, quoi. Maintenant, on parle de troubles physiques, entre autres des manifestations, ce qu'on appelle nous somatiques, c'est-à-dire on se plaint de douleurs. Et on va voir le médecin qui dit, ben, je ne sais pas de quoi ça vient, quoi, en gros. Alors, il y a des douleurs abdominales, des douleurs musculaires ou aux articulations, en particulier des douleurs dorsales, des douleurs ulcères, des troubles gastro-intestinaux, des troubles alimentaires. Est-ce que tu as connu ce genre de problème ? Oui. Je mangeais très peu, donc j'ai perdu beaucoup de poids. J'arrivais pas à manger comme je mange d'habitude. À cause du stress, ça passait pas. Ça restait bloqué. Donc ouais, j'ai perdu beaucoup de poids. Après, quelques années après, j'ai eu des soucis au niveau des intestins. On pense que c'est lié à ça, mais j'en avais pas eu sur le moment. En tout cas, je crois pas. À cause du stress, j'avais aussi des aiguilles qui rentraient dans la poitrine souvent. Des difficultés à respirer, des choses comme ça. Mmh. C'est ce qu'on appelle des troubles somatiques, parce qu'en fait, oui, ils sont réels, mais en trouver la cause, c'est pas facile, parce que c'est ambigu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ils savaient pas forcément, enfin, tout ce qu'on me disait, c'était que c'était dû au stress. Oui, la pression, en fait, le stress, la pression sur le long terme, c'est de la consommation d'adrénaline à haute dose qui demande à son copain cortisol de venir à la rescousse. Et donc, fabrication de cortisol et d'adrénaline et les récepteurs du cerveau qui n'arrivent plus à régulariser et qui, en fait, c'est le chaos total. Donc, toutes les hormones se bagarrent. Le système immunitaire dit, bon, écoutez, il y a tellement de bazar que moi, je vais en vacances. Donc voilà, ça amène à plein de choses. Et donc, c'est un dérèglement hormonal principalement dû à cette pression et à ce stress, à cette fabrication d'adrénaline et le cortisol. Bon, donc, j'ai bien dit réduction des défenses immunitaires. Est-ce qu'à cette époque-là, la moindre chose qui volait à côté de toi, c'était pour toi ? J'ai pas le souvenir. D'accord. Voilà, autrement, bah, il n'y a pas de choses particulières. Est-ce que dans le sommeil, c'est intéressant ça ? Oui. Tout à fait. Voilà. J'avais des insomnies. Alors, j'ai dû aller à une clinique du sommeil pour faire des tests. J'ai dormi toute la nuit là-bas avec plein de machines accrochées partout. C'était super désagréable. Et ils n'ont rien trouvé, en fait. Ouais. Voilà. Et encore maintenant, je pense que c'est un peu des restes. Je peux encore avoir des soucis de sommeil, moins qu'avant, mais je pense qu'il y a des restes par rapport à ça. Ouais. Et puis une très grande fatigue. Oui, à l'époque, oui. Thank you. Maintenant, on a fait le tour de « à l'époque ». Et notre dernière question de l'interview est « et maintenant ?» Et le « après ?» Voilà. Comment est-ce que tu décrirais le « après » ? Je pense que j'ai encore cette peur de retomber dedans. Donc, je fais très attention de ne pas en faire trop. Il y a plein de choses positives. Maintenant, je suis plus dans la contemplation, le rien faire, enfin je prends du temps pour ne rien faire et faire attention, ne pas trop en faire, parce que je pouvais avoir ce côté super perfectionniste que maintenant, je pense, grâce à ça, j'ai un peu moins. Donc ça, je suis contente. Après, il y a des restes. Donc ces angoisses de sommeil, je les ai encore. Depuis mon burn-out, il y a des choses que je peux plus faire. Par exemple, même dormir en tente, enfin, dormir sans avoir mon confort, c'est super compliqué parce qu'il y a ces angoisses qui reviennent. Je stresse, de manquer de sommeil. Parce qu'à l'époque, la fatigue m'avait quand même marqué. Donc il y a ça qui reste que j'essaie de gérer en ce moment. Mais sinon, je pense que je me gère mieux. Maintenant, comment ça s'est passé après ? C'est-à-dire, tu as terminé donc, cette année universitaire, et puis le après, ça s'est passé comment, en fait ? C'était génial, hein. J'ai eu la meilleure année de ma vie. Après, en 2019, où j'avais l'impression de renaître, je faisais de nouveau des choses, il y a eu plein de changements. Donc ça c'était génial, de passer d'un rien à tout, et de se rendre compte que non, ma jeunesse n'est pas finie, en fait. Il y a encore plein de choses, et donc l'année, là, c'était génial. Génial. Et donc, t'as récupéré rapidement, en gros. Ça va, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Enfin, quand t'es dedans, t'as l'impression que ça dure des années. Mais en fait, si maintenant j'y pense, ça a duré un an. Et dans l'état d'esprit, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là, le après, pour toi ? Aujourd'hui ? Oui. Oui, en tout cas, ce qui s'est passé après. Comment ton cerveau a réagi à tout ça ? Tes pensées ont réagi à tout ça ? C'est intéressant. Quand on va à l'université ou quand on fait des études, quand on est jeune, il y a une compétition, il y a une concurrence, il y a une urgence, il y a toute cette évaluation qu'on fait de nous, toutes ces pressions qu'on met sur nous. Ouais. Voilà, on les vit plus ou moins bien. Apparemment, toi, tu as déclenché un burn-out, donc tu as été victime de ça. Et ma question, elle est après. Comment as-tu vu ces pressions qui étaient toujours là ? C'est pas parce que tu as eu un burn-out que les pressions sont parties. Bah oui. Donc comment tu les as vues, toi, après ? Quelle a été ta réflexion par rapport à tout ce qui t'avait mené là ? Je pense que j'avais fait pas mal d'introspection aussi à l'époque. Je sais pas si je vais répondre à la question. Si, si, si, si, mais si, euh, Ça m'intéresse. J'avais aussi beaucoup réfléchi par rapport à mon éducation. Je pense qu'il y a plein de choses qui venaient de là, cet esprit de compétition qu'on met aussi dans la tête des gamins. C'est que dès que je faisais quelque chose, c'était « Ah bah, t'es la meilleure, ah bah tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça plus tard. » Ou dès que j'avais une passion, quelque chose, c'était tout de suite « Ah, t'es la meilleure, mais ça, t'es meilleure que lui, ah, regarde et tout. » Donc ça me posait quand même pas mal de questions. Ouais, ce truc de compétition qui vient de l'éducation. Après, on remet encore à l'école. Mais je suis pas encore sortie de cette manière de penser. Hein. J'ai du mal, mais j'essaye petit à petit. C'est tout à fait la réponse. Enfin, c'est tout à fait la question. La réponse, je ne la connaissais pas, mais c'est tout à fait la question que je me posais. C'est voilà, on n'en est pas tout à fait sortie. Et comment tu le vis alors maintenant? Parce que, est-ce que tu le vois arriver? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Quand j'ai ces pensées, j'essaie de me poser des questions. De aussi réfléchir du point de vue extérieur, comment je me vois moi de l'extérieur, si j'essaie de sortir de mon corps et de me regarder, est-ce que en fait ces sentiments là je les ai que vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres je les ai pas, en fait. Enfin, je veux dire, je vais pas forcément juger quelqu'un ou quoi, donc j'essaye maintenant de un peu sortir de moi, de me regarder de l'extérieur pour prendre du recul par rapport à ça quand j'ai ces pensées qui arrivent, mais voilà, c'est pas encore sorti d'affaire, mais... C'est intéressant. La question que j'aurais, c'est tu as eu un suivi par une psychothérapeute de combien de temps? Un an, oui. Un an, je pense tout. Puis après, c'était suffisant pour toi? T'avais assez. T'avais plus besoin de soutien? Oui, et puis j'avais besoin aussi de lâcher un peu ça. D'accord. Parce que quand je suis arrivée dans ce moment où j'ai pu respirer de nouveau, j'avais envie aussi de lâcher ça pour me détacher de tout ça. J'avais juste envie de vivre et de plus me poser de questions, en fait. J'en avais marre de me poser des questions. Donc j'ai arrêté, ça m'a fait du bien d'arrêter aussi. Et puis tu as suivi d'autres études, si j'ai bien compris, après. Oui. Voilà. Après, j'ai fait 3 ans dans un centre de formation de musiciens intervenants, à Célestat. Mm-hmm. C'était très chouette. Mm-hmm. L'esprit de compétition était toujours là, parfois maladif, mais je ne suis pas retombée dans le burn-out. Mm-hmm. Je pense parce que l'ambiance était beaucoup plus bienveillante aussi. C'est un petit cadre, tout le monde se connaissait, donc il y avait une écoute, une compréhension. C'était différent de la fac, je pense que le cadre joue beaucoup aussi. Mmh. Donc voilà, ça dépend comment on est entouré, même si moi il y a des choses qui ne changent pas. Mmh. Et puis après, tu as décidé de faire du woofing. Le woofing, je dis, c'est donc des activités contre le logement et la nourriture, en gros. Oui, c'est ça. Et quelle a été cette décision, alors? Eh ben, de sortir un peu de mon confort, de me prouver que je pouvais faire des choses qui sortaient de mon confort. Parce qu'avec le burn-out, j'étais beaucoup, avec des horaires de sommeil, dormir chez moi. J'allais pas dormir chez les autres. Et là, ça m'a fait aussi prendre beaucoup confiance en moi. De lâcher prise, de pas savoir forcément à quoi m'attendre, mais d'y aller quand même. Pendant la période du burn-out, je pense que j'aurais été un peu du genre à « Envoyez-moi des photos de la chambre. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'on peut fermer les volets ?» Mm-hmm. Trop de questions. Et là, je voulais vraiment avoir ce lâcher-prise de « Je sais pas où je vais aller. » Et on verra. Et en fait, ça se passe toujours, toujours trop bien. Donc, donc c'est chouette. Voilà. Thank you. Et puis, j'ai vu pendant ton séjour ici que tu as des activités créatives. Tu nous as fait un joli au-dessus de la porte d'ivoire, explique là. Alors ça, c'est une croix de Sainte Brigitte. Oui. C'est une déesse d'Irlande. Oui. Oui, voilà. Donc j'écris, je lis, j'ai plein de choses. Voilà. Avec des... tu nous as fait cette croix de Sainte Brigitte avec des roseaux que tu as trouvés, des joncs que tu as trouvés à côté du lavoir ici. Donc c'était effectivement... Et puis alors, pour rebondir, il y a eu un woofing en Irlande ? Ah, c'était pas un woofing, c'était une expérience de jeune fille au pair. D'accord. Jeune fille au pair. Voilà, qui était incroyable. Ça a été aussi une grande épreuve par rapport à sortir du confort. Ah ouais, c'était très dur. Je pensais pas y arriver un jour. Ça, c'était un truc que je rêvais depuis longtemps. De me dire, ah bah, je pars plusieurs mois, je vais voyager quelque part. Et je sais pas pourquoi, j'avais ce sentiment de j'y vais, je me laisse porter, ça coule quoi, je me suis laissé porter et en fait c'était très dur au début. Forcément de voilà, c'est pas ma chambre, c'est pas mes habitudes, loin de la famille, loin du copain. Donc la nourriture. Oui. Ah ouais, c'était pas facile au début. Hein. Ils mangent différemment quand même. Après c'est la famille où je suis tombée aussi, mais mais ouais, mais après, on s'adapte et ça dépend toujours avec qui on est. Là, c'était des gens aussi super bienveillants, à l'écoute, donc ça a aidé beaucoup. Uh-huh. Et ouais, maintenant, je me sens capable de faire les choses. Alors, c'est pour ça, j'ai fait le woofing chez toi et puis j'en ai encore d'autres de prévues et je commence à faire plein de choses dont je me sentais pas du tout capable avant. Uh-huh. Et je pense que l'expérience en Irlande a aussi beaucoup aidé de dire, uh-huh, tu pars 4 mois quelque part aussi loin... C'était un truc impensable avant. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conclusion à cette épreuve dont tu as été victime, donc, hein, et de ce après qui a débouché quand même sur des choses magnifiques. Ben, c'est ça. Donc, quelle serait ta conclusion par rapport à cette épreuve que tu as passée? Ben, je pense que même quand on est dans le plus sombre, on n'arrive plus à voir cette lueur de voilà du futur, on n'arrive plus à voir tout ça, mais en fait il y a toujours espoir. Je m'en suis rendu compte de là, que heureusement que j'ai pas laissé tomber quoi, parce qu'il y a des choses magnifiques qui sont arrivées après. Donc j'ai tenu le coup et ouais, c'est peut-être simple comme phrase, mais ouais, c'est juste garder espoir et que ça finit par passer, en tout cas j'espère. Mais quand on est jeune, voilà. Ouais. Oui. Et puis une dernière petite question de curiosité, comment la famille réagit maintenant par rapport à ce que tu fais, par rapport au fait, est-ce qu'elle a encore des peurs, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées dans le sein de l'environnement? Bah, pendant un moment, ils étaient beaucoup sur moi, hein. Ils avaient encore très peur, hein. Donc je pense encore un an, deux ans après, ils avaient très peur, donc ils prenaient beaucoup de nouvelles, ils étaient assez derrière moi parce que je pense qu'ils ont eu très peur, comme ils m'ont vu. Maintenant, ils sont très contents. Non, ils sont contents, ils me suivent dans ce que je fais et puis voilà, ils me voient passionnée comme j'étais avant, donc ça va. C'est bien. Ouais. Voilà. Ben Lisa, on te remercie infiniment pour ton témoignage. C'est à toi. On est touchés parce que on n'avait pas encore pris ce sujet à bras le corps je dirais de la population jeune qui est en train d'être contaminée. Parce que la pression, c'est contagieux. Hein. Donc les plus anciens mettent la pression sur les moins anciens sur les plus jeunes sur les plus jeunes. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que nous sensibiliser dans l'association est très important. Parce qu'on va toucher de plus en plus de populations très jeunes. Voilà. Oui. Bon, on te remercie aussi pour ton woofing à l'association Ralentir pour vivre. Ça a été une très belle expérience. Merci. C'était super chouette. Merci à toi. Bonne continuation et bonne route à toi, Lisa. Merci. Merci à Auriel pour ses chansons qui accompagnent cette émission. À bientôt, chères auditrices et auditeurs.